ASMR Beat Making. C'est la fin, ça part en couille, les gens changent comme le temps. C'est la merde quand c'est la hesse, les chaînes te lâchent des ventes. C'est le bordel dans les coursives, ça roule des grands. La mame se surveillant, surveillez bien quand on se les branle. On est rentré dans le rap et des moyens, y'en avait peu. Des connaissances dans ce milieu, non je mens pas, j'en avais que deux. La hache derrière la caméra, comme N'Golo et Jawara. Avoir un bon train de vie, c'est pas saper en gabana. Être bien autour de soi, rendre heureuse maman mes rouillards. Qu'on oublie tout ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, c'était pour un. Vu dire qu'on est grillé, nous les contrôles c'est la routine. C'est la routine comme voir des clients qui dépriment. Voir des gens en place qui d'une darba sont devenus périmés. Certains remontent la pente, d'autres passent les jours à cantiner. En continu tu fais du haram, toi t'iras où tu sais. Encore un peu, je prends ce que je peux, puis je vais m'arracher. Une tentative mais je remercie ceux qui m'ont pas lâché. Du gâchis si tu t'arrêtes, le gros c'est ton talent gâché. Liberta, il manque une pièce au 6-9B. On les choque, je fais ce que je veux et vous faites ce que vous pouvez. Ce que vous faites c'est pourri, même le public vous l'avez saoulé. De toute façon c'est que de la pub et ils diront ces enfoirés. Le vrai boulot commence quand y'a les vues au RDV. Ça m'étonne ce que je suis devenu, je vous dis pas mais si vous saviez je voulais être neuf. Un attaquant comme Saviola. Aujourd'hui je pose le salaire de ton père sur Celta Vigo. Toute la tête souriant, on aime les frais qui sont solidaires. Pense à ce qu'on collait, à trop vouloir être solitaire. Sale idée d'aller braquer, sachant que l'équipe est sous CR. Être le cerveau, le larbin qui ramasse les miettes, les poussières. Et poussez-vous, les gardes à vous aux militaires. Garde à vue pour les ratus, garde à tranquillou pour les frères. Je ramène la fuse, benga re benga comme pouce. Toupiné comme la bêtise et j'aime mon pays comme ouz. On baisse le game à une main, bah y'a pas besoin de coups de pouce. Des coups de presse et dans le stress, tes achilles seront tous. Et dans la tête et dans le nif. C'est pas l'argent qui fait l'homme, demande un stiff. Et sans fter, tu rentres nulle part si t'es festif. Qu'à part comme Farid, aucun topo mais en speed. C'est pour Mick Mick, après la Tolia, la Smith. On va aller se mépuler, c'est contrôle nos vies. Aucun aveu, même si ça part pour 15 piges. C'est pour pas feu, il a galop toute la Suisse. Des assiettes, non c'est pas ce qu'il y a sur la 6. Là-bas c'est la pause, une fois que tu sens rien à la suite. Chez nous pas de sexe, mentalité t'as la street. Bâtiment A c'est Rasoura, Soura c'est Serrit. Corbala MH3 c'est Soso 25 plein de 8. Gardez la pêche et on verra vos teutés dans le clip. J'ai le cerveau en compote, j'balance tout dans ce titre. Manda Khalil, puis qu'on est petit on croque la défaite. On faisait du 32 quand d'autres faisaient déjà du 38. Toujours ensemble ça pue l'époque, aucun coup en traite. Moi j'ai rien de mieux à part je chante tu m'envies. Baiser vos grand-mères, voilà les gars que je me languis. On m'a dit calculez pas eux c'est que des grandes gueules. L'euro que j'ai dans le cœur c'est Miro et Zachary. Les mêmes galères qu'à l'ancienne terre, l'époque Jacadi. Le respect pour ceux qui sont plus ceux qu'ils étaient. C'est pour Smarin Tounekti, le gros j'oublie pas. Pour mes frères qui ont disparu, non je vous oublie pas. Vos prénoms dans mes sons, moi je les dirai pas. Une dora pour vos âmes et on se reverra. Pour les frères qui ont des vrais soucis, les rares. Pas pour ceux qui s'en inventent. Oui, oui, l'allemand, je dirais que les MH3. Oui, oui. Ouais, l'allemand. On dit 50 ans.